contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici le mardi en votre compagnie. Bonjour Lia. Bonjour Catherine. Voilà, nous allons aborder le sujet en partant déjà d'un principe que l'association défend, que ce fameux épuisement, hein, pour ne pas dire le mot courant, burn-out. Voilà, on va faire bip bip. Eh bien, est une maladie de société, une pathologie de société, une maladie de société. Donc, en quelque sorte, beaucoup de métiers sont touchés. Alors, évidemment, on parle comme là, il y a 15 jours avec Janine, des agriculteurs, parce que c'est un qui, des métiers qui est en haut de la, c'est la ça, pile. Ouais. Ensuite, il y a la santé, ben ça, c'est ouais. Le deuxième métier. Ensuite, il y a l'éducation, c'est le troisième. Ouais. Seulement, on se rend compte que tous les métiers sont un petit peu touchés par ce phénomène. Tout à fait. Et là, je suis allée sur un site qui s'appelle Nouvelle Vie Pro, qui parle de 22% des salariés français qui estiment que leur activité professionnelle impacte négativement leur santé mentale. Ah ouais. Et là, on parle quand même que le travail fait partie des sources possibles de mal-être, une mauvaise qualité de vie au travail, de mauvaises relations avec les collègues, du harcèlement, du surmenage ou encore un burn-out peuvent contribuer à une détérioration de la santé mentale. Donc, on dit que les principales causes, d'après eux, et je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent, une charge de travail excessive, manque de personnel, rythme de travail exagéré, objectifs irréalistes, des horaires de travail prolongés, rigides et incompatibles avec la vie sociale. Là, on récapépète, mais hein, ben oui. Lia, on va quand même remettre la petite touche sur chacun de ces points. T'as parce raison. Que c'est important. Mmh. Des conditions de travail dangereuses ou pénibles, ça c'est aussi le cas. Le manque de soutien des collaborateurs ou un management autoritaire, ça c'est deux points effectivement cruciaux. Mmh. La discrimination et l'exclusion. Des fonctions mal définies qui laissent le salarié dans le flou, ça aussi on le connaît. Ah ouais, c'est compliqué ça. Ça oui. Mmh. L'insécurité de l'emploi, un salaire insuffisant ou un manque d'investissement dans l'organisation des carrières, ça aussi. L'incompatibilité entre les exigences professionnelles et familiales et la violence, le harcèlement moral ou physique, l'intimidation et le dernier, qui n'est pas le moindre, le manque de reconnaissance. Ah ben. Voilà. Oui. Donc là, en lisant cette liste qui est un petit peu lourde, tout à fait, qui est quand même lourde de conséquences et de faits, on se rend compte que tous les métiers, indirectement ou directement, sont concernés. Eh bien oui, c'est vrai. Ce qui reporte au témoignage qu'on a eu d'une dame qui travaille dans une usine en burn-out, il y a 15 jours, on a eu ce témoignage, et qui reporte aussi toutes sortes de métiers. Bien sûr qu'on peut pointer sur des métiers phares, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas que tous les métiers sont directement ou indirectement touchés. Oui. Et quand je dis tous les métiers, je dis toutes les activités. Mmh. Parce qu'il y a ces quatre fameux points qui sont la compétition. Hein, on se met au starting block et on démarre hein, pour être le meilleur des... Meilleur. Le meilleur des... Le meilleur des meilleurs. J'adore cette façon de dire les choses parce qu'alors le meilleur des meilleurs, ça veut dire quoi? Pas grand-chose. Mmh. Ensuite, la concurrence exacerbée. On enfonce le voisin pour remonter la tête ou on se fait enfoncer la tête parce que le voisin veut remonter. Oui. Bref, on est dans une situation pénible. Et le fameux culte de l'urgence. Eh oui. Faites-moi pour hier ce qui était pour demain. Voilà, d'accord. La manie d'évaluation, comment est cette personne? Alors, ça fonctionne très bien avec mon petit exemple bidon du drap, s'il est assez doux ou pas doux. Mais avec l'être humain, c'est tout de suite plus complexe. Donc, avec ces quatre critères, on se retrouve avec tous les métiers qui sont en fait touchés. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un invité particulier qui va nous apprendre que dans certains métiers, et là je vous révélerai ça tout de suite après cette chanson, on peut aussi avoir de la pression. Cette personne va nous dire exactement ce qui se passe dans d'autres métiers. Ça c'est chouette. Voilà. On aime bien l'éclectisme de tes invités, Catherine. Bah, c'est intéressant parce qu'on voit que ça ne se, ce n'est pas spécialement un métier. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était à l'écart et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu. Voilà, nous revoici, chères auditrices et auditeurs, à l'antenne. Et nous recevons donc aujourd'hui Thierry Collin, journaliste radio depuis 30 ans dans un réseau de radio locale. Bonjour Thierry. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Voilà, merci beaucoup d'être, de nous avoir accordé cette interview. Pour un métier qu'on pourrait penser, est-ce que vous avez de la pression là? Vous pourriez peut-être nous décrire le travail de journalisme radio? En quoi vous vivez cette pression également? Oui, je vais déjà décrire le métier de journaliste radio parce qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a deux métiers de journaliste radio. Il y a le métier de reporter, celui qu'on voit sur le terrain avec un micro, avec un enregistreur en bandoulière qui va recueillir l'info, recueillir le témoignage, qui se déplace sur le terrain. D'accord. Et qui lui a des horaires plutôt entre guillemets classiques, c'est-à-dire qu'on commence le matin, souvent on ne sait pas à quelle heure on termine, mais en tout cas on commence le matin à un horaire généralement normal vers 8h30. Et il y a l'autre métier qui est le présentateur de journaux, c'est celui qui reste en studio, qui présente les journaux. Alors il y a le présentateur de journée dans les radios locales, mais il y a aussi surtout le présentateur du matin. On appelle ça la matinale, et donc c'est quelqu'un qui se lève très tôt, parce que la plupart du temps, les journaux commencent dès 6h du matin, donc il faut venir plusieurs heures avant pour préparer cette matinale, réécouter les reportages de la veille, lire la presse locale également pour les radios locales, voilà, pour voir s'il y a d'autres choses, voilà, et écrire ces journaux. Et donc là, c'est des horaires qui sont un peu atypiques parce que généralement on se met son réveil vers 3 ou 4 heures du matin, donc c'est quasiment au milieu de la nuit, donc voilà, donc il y a une pression. Alors après, le seul avantage, c'est qu'on termine à un heure fixe, contrairement au reporter qui, lui, le reporter, si jamais il y a une grosse catastrophe qui arrive à 18h ou 19h, on peut pas dire je rentre chez moi, on va sur la catastrophe, suivre la catastrophe. Donc c'est alors que le matinalier, lui, il a ses horaires qui sont assez fixes, mais qui sont décalés pour réveiller les gens le matin. Et on a tendance à dire que les radios généralistes, c'est en matinée qu'il y a le plus d'écoute. Donc c'est un peu le prime time. La télé, c'est plutôt le soir, et la radio, c'est plus le matin. Donc voilà, donc il y a une pression des horaires pour deux types. Souvent d'ailleurs dans le réseau de radio locale où je suis, on peut être soit reporter, soit présentateur, et souvent on alterne les deux. Voilà, on fait l'un ou l'autre. Certains préfèrent présenter, d'autres préfèrent aller sur le terrain. Mmh. Mais souvent on est assez polyvalent. En tout cas, on est recruté pour être polyvalent et pour pouvoir faire ces deux métiers, parce que c'est pas vraiment la même chose, même si l'idée, c'est d'aller sur le terrain, de rapporter les choses et après de le présenter à la radio. Oui, nous informer. Parce que la pression de l'information, parce que l'information peut être imprévisible, et puis il y a aussi le direct, il y a toutes ces choses qui font que ça met une pression supplémentaire aussi. Exactement. Le métier, alors c'est, souvent on dit que c'est, dès les écoles de journalisme, on dit que c'est un métier passion, qu'on ne compte pas 16 heures, que c'est l'actualité qui dicte un petit peu les horaires. Effectivement, quand il y a une grosse actualité, il faut la couvrir. Si Internet prévoit un jour bloquons tout, bloquons la France, on sait que c'est dès 6 heures du matin, même si on ne sait pas ce qu'il va y avoir, il faut être sur le terrain, dès 6 heures du matin pour voir et être au plus vite près de l'autoroute coupée ou bien de la chose qui est bloquée, voir de nos yeux vus, voir les choses. Donc il y a cette grosse actualité, il y a le fait divers qui peut être souvent tragique, qui est l'accident de train ou bien des choses qui arrivent, le crime, où on doit aller sur place pour essayer d'avoir les informations le plus vite possible. Il y a le stress du direct, qu'on soit reporter, parce qu'on peut être amené à parler en direct, ou bien le stress du direct du présentateur qui est recherché aussi par certains, parce que le côté adrénaline, journaliste sportif par exemple, qui fait des matchs en direct, il y a ce côté qui est un peu recherché, il y a de la pression parce qu'il faut être bon à l'instant T. Il y a une certaine pression qui est aussi recherchée, mais qui est aussi une source de stress. Oui, et puis sur le long terme, qui peut être une source d'épuisement. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, certains, les journalistes sportifs, certains aussi abandonnent au bout d'un moment. Parce qu'il y a aussi le fait que le journaliste sportif, par exemple, travaille tous les week-ends, parce que le sport, les compétitions, c'est souvent le week-end, et qu'au bout d'un moment, on peut passer de l'un à l'autre. Il y a aussi une chose à savoir sur notre métier de journaliste, c'est que on doit s'adapter, parce que journaliste radio, on est à part parfois le journaliste sportif qui fait que ça, mais même il ne fait pas que ça, souvent il fait d'autres choses, mais souvent ça doit s'adapter, parce qu'un jour on va faire un procès d'assises, donc il faut être un peu juriste, l'autre jour on va suivre un ministre, on va faire un fait divers un peu complexe, ou bien faire un sujet sur des données scientifiques sur le réchauffement climatique, où il faut qu'on fasse... Donc en fait, en peu de temps, on doit s'adapter à des sujets, et donc avoir une culture générale, mais aussi en peu de temps s'adapter, être presque spécialiste de certains sujets, c'est une réalité pour les journalistes en région. Il y a certaines chaînes parisiennes qui ont des spécialistes, police justice, des spécialistes scientifiques, des spécialistes de la culture. Nous en région, on doit vraiment s'adapter et être au fait de la plupart des sujets, donc c'est aussi une source de pression, C'était tout à fait ce que je ressentais, qu'il y avait du vécu là-dedans, 30 ans quand même dans... Voilà, exactement. Voilà, donc il y a un vécu qui s'exprime. Oui, Après, l'expérience fait que voilà, on arrive aussi à voir. Puis après, il y a des sujets qui nous intéressent plus que d'autres aussi. Hein, mais voilà, mais c'est vrai que entre guillemets, on dit, on s'ennuie pas parce que c'est un métier où on rencontre plein de gens déjà, et on passe vraiment d'un sujet à l'autre pratiquement quotidiennement. Et après, il y a le côté imprévisible d'actualité parce qu'on dit que il y a entre 50 et 70% de l'actualité qui est prévisible, c'est-à-dire que toutes les rédactions reçoivent des communiqués de presse, un élu qui va inaugurer une maison pour les jeunes ou bien un hôpital, par exemple, ça on le sait à l'avance et c'est prévisible. Il y a les entreprises privées, voilà. Quoi, pas mal de choses sont prévisibles et sont prévues à l'avance. Après, on choisit, nous, dans les radios locales, on ne peut pas faire tous les sujets, donc on choisit 4 à 6 sujets par jour. Donc ça, c'est prévisible. Et puis après, il y a l'actualité qui nous tombe dessus à l'instant T, c'est-à-dire que le fait divers, voilà, les deux camions qui se rendent dedans sur une autoroute et qui coupent l'autoroute, et ben, là c'est imprévisible, et on doit le plus vite possible aller sur place, et on doit même parfois laisser un sujet qu'on est en train de faire en disant il y a plus urgent à faire parce qu'il y a eu un crime à tel endroit, dans les Vosges ou ailleurs, et après faire des kilomètres aussi, il y a aussi ce côté aller, on est capable de se projeter voilà, à l'autre bout du département pour suivre une actualité sur un fait qu'on ne connaît pas, et on découvre à la fois nos interlocuteurs, l'endroit parfois, et voilà. Et on doit surtout réagir très vite. On dit souvent que la radio, c'est le média de l'instantané. Oui. C'est-à-dire que autant l'écrit, on a le temps d'analyser un peu, la radio, c'est qu'on doit être tout de suite rendre compte quasiment en direct. Bah, ce qui met une pression aussi, et une pression, moi je suis dans un groupe où c'est des radios locales, mais on peut être aussi passé sur les antennes nationales, où là on passe de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs millions d'auditeurs, voilà, donc chaque mot est important, et on doit être le plus précis et le plus rigoureux possible quand on relate quelque chose. Oui, et puis si j'ai bien compris, celui qui fait le matin, la matinale, ou en tout cas qui explique, il doit trier au milieu de tout ça, comment dire, dans quel sens, le premier, le dernier, le quoi, le machin, enfin bref, faire un espèce de tableau avec ce qu'il reçoit depuis très tôt le matin. Et puis celui qui va faire les interviews, alors lui, il doit quand même faire travailler ses interviews, c'est-à-dire en faire des podcasts, non? Alors, il y a une chose. Le présentateur du matin, quoi, du matin ou de la journée d'ailleurs, c'est exactement le même principe. C'est que lui, il hiérarchise les informations. C'est-à-dire qu'il essaye de mettre le plus important au début de son journal et le plus entre guillemets léger à la fin. Souvent, on termine par le sport parce qu'on dit que c'est un peu plus léger, ou la culture, voilà. Mais en fait, il hiérarchise son journal. Oui. Une hiérarchie qui peut tomber en radio, ça peut 5 minutes avant un journal. Oui. Ça peut être bouleversé. Tout à fait. Juste comme voilà. Si demain il y a un homme politique qui décède, qui est d'envergure, et ben on est obligé de commencer par ça, et donc de bouleverser son journal, voire de jeter ce qui était prévu en fin de journal. C'est là, une actualité chasse l'autre. Je crois que dans ce métier-là, c'est l'instantanéité qui est la plus délétère des conditions de ce métier, parce que ça doit mettre quand même sous pression très souvent. Exactement. Il faut réussir à changer tous les matins. Déjà, on a une conférence de rédaction où on essaye de choisir à plusieurs. C'est un travail collectif. Quels sont les sujets qui peuvent intéresser? Et après, on s'adapte vraiment. Certains matins, on ne sait pas sur quel sujet on va aller. Il y a des sujets qui sont prévisibles, mais qui peuvent très bien. On peut très bien dire, ce sujet-là, on l'avait prévu, mais finalement, il y a un autre sujet qui vient d'arriver, ou qui est plus important, qui nous semble plus important. Donc c'est vrai, c'est une adaptation. On ne peut jamais prévoir une journée précise, une semaine précise. On peut faire des prévisions, mais ça peut toujours être changé. C'est régulièrement changé. Et donc, aux journalistes de s'adapter. Oui, tout à fait. Et puis, dans les interviews que vous allez recueillir, vous en prenez, je ne sais pas moi, un quart d'heure, et dans un quart d'heure, vous devez sortir 3 minutes, par exemple. Exactement. Après, c'est en journaliste, quoi. Le journaliste radio, c'est le côté un peu frustrant de cette partie de ce métier-là, hein, parce que en presse écrite, on a beaucoup plus de pages disponibles. En plus, maintenant, avec Internet, on peut même être assez long. En radio, en fait, on a des formats. Moi, je fais des formats. Le maximum que je puisse faire à l'antenne, c'est 2 minutes de reportage sur un sujet, donc c'est assez court. Pour nous, en radio, c'est long, mais c'est assez court. Et sinon, dans les journaux, le matin, c'est plutôt 1 minute 15 voire 50 secondes d'une interview, voilà. Donc je dois choisir le meilleur, je dois recouper aussi un petit peu, et donc je rencontre les gens, j'essaye de bien comprendre le sujet, et après il faut réduire, et c'est assez long de réduire, quoi. J'allais vous dire, ça fait terminer, c'est encore plus compliqué, ouais. Même en télévision par exemple, où là il y a en plus les images qui s'ajoutent, ouais. Et chaque mot est important, mais voilà, en radio on dit que chaque mot est important, donc en fait il faut réussir à réduire sans déformer. Oui. Là, on a le temps de s'exprimer. On prend le temps. Il y a des émissions sur le temps long, mais moi, c'est pas. On en fait très peu. Non, mais en fait, en information pure. Ma question, qui serait un peu subsidiaire, ça reporte vos journées à tard le soir, tout ça. Alors, ce qui a changé, en tout cas, dans ces dernières années, c'est deux choses. Nous, en journaliste radio, et c'est le cas des autres journalistes, à la fois presse écrite et télé. Il y a trois grands types, il y a presse écrite, télévision et radio. Et en fait, c'est le web qui est apparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne une information à la radio, mais tous les médias ont un site Internet, et diffusent sur Internet, que ce soit avec photos, avec texte. Et donc il faut faire une version. L'idée, c'est que chaque média, pour une information importante, fait une version sur Internet. Ce qui rajoute, moi j'ai appris la radio en faisant que de la radio, et Internet est arrivé, on nous a dit, ben voilà, il va falloir maintenant prendre des photos et également faire du texte. Alors, et certains médias ont des journalistes qui font que ça, on appelle ça des journalistes web, là, qui reprennent les informations du journaliste radio et le mettent sur Internet. Et nous, le choix qui a été fait, à mon avis, personnellement, c'est pas le meilleur, c'est de dire, bah, vous faites la radio et en même temps, vous faites Internet, ce qui fait qu'effectivement, ça rallonge les journées, sachant que nos journées, on sait quand on est reporter, on sait quand elles commencent, c'est vers 8h30 le matin, en lisant la presse. D'ailleurs, même pour commencer une journée, un journaliste en fait commence déjà à lire la presse, parce qu'on arrive informé à une conférence de rédaction pour savoir ce que les autres médias disent, aux nationaux ou aux régionaux. Donc on est informé, on vient pas comme ça pas réveillé à la conférence de rédaction. On commence déjà à travailler, voilà, en se réveillant. Et après, effectivement, mais on ne sait pas à quelle heure ça se termine, parce qu'effectivement, nous, on a une obligation de résultat, c'est que l'information soit là. On a des journaux à 17h et 18h, et c'est surtout pour le matin, parce qu'on travaille surtout pour le matin, c'est que l'information soit là le lendemain matin pour tous les auditeurs. Donc voilà, donc si quelque chose arrive à 17h30 ou à 18h, ben on doit aller couvrir l'événement à 18h, et après il y a tout le travail de montage, de rédaction et d'écriture de nos reportages pour le lendemain matin. Donc effectivement, les horaires sont assez élastiques. Alors, la profession de journaliste, ça concerne vraiment tous les journalistes en France, en fait. Après la guerre, il y a une convention nationale, qui a défini un petit peu. Et en fait, les journalistes n'ont pas souhaité d'avoir d'heures supplémentaires ou être payés davantage pour travailler les week-ends, parce que très souvent les médias, alors la presse écrite, il y a parfois un jour où il n'y a pas de journaux, mais la plupart du temps, c'est quand même tous les jours. Et pour la radio, par exemple, il y a des informations 365 jours par an. Il y en a Noël, il y en a le Nouvel An, il y en a les jours fériés. Donc on travaille ces jours-là parce qu'il faut bien alimenter et dire ce qui se passe ces jours-là. On n'est pas payé plus pour. C'est mon cas. Voilà. Mais en revanche, on a des jours de récupération en plus. Donc en fait, la profession a préféré avoir davantage, entre guillemets, de vacances ou de jours récupérés, en acceptant que à la fois les horaires soient élastiques. Moi, si je termine tard le soir, j'ai pas d'heure supplémentaire, ça existe pas. Écoutez, Thierry, là, voilà. Franchement, on reste assez, bouche bée, hein, quand on entend tout ça, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre, on va dire, d'un rythme assez fou, on va dire ça comme ça, que, vous avez intégré parce qu'avec les années, ça fait partie, comme vous dites, d'un travail passion, on est bien d'accord. Seulement, dans l'absolu, c'est aussi un travail sur lequel a été répercuté, je dirais, les pressions extérieures, dans le sens que la société va de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus Exactement. Rapide et tout, et vous, avec, vous êtes en fait, vous êtes raccroché au train, quoi, en gros. Exactement. Ce qui a vraiment changé avec Internet, c'est qu'en fait, avant, on avait des journaux à heure fixe, et il fallait... Pour la presse écrite, c'était le journal du lendemain, et nous, là, en radio, on avait des journaux à la mi-jour. Quoi. Le matin, bien sûr, c'est les journaux qui étaient privilégiés, après un journal à midi, et puis 17h, 18h. Et aujourd'hui, en fait, il faut donner l'information en temps réel, ce qui est beaucoup plus stressant, ce qui est beaucoup plus... On doit aller plus vite, toujours sans se tromper, parce que faire une erreur sur un fait divers, dire voilà, il y a un mort alors qu'on n'a pas vérifié, que c'est quelqu'un qui nous l'a dit, apparemment il y a un mort, et ben on doit pas le dire. On doit vérifier avant, mais on doit vérifier beaucoup plus vite. Et le principe d'un journaliste, c'est qu'il doit filtrer l'information, pour pas dire de bêtises, et après recouper ses sources. Recouper ses sources, et donc essayer d'avoir deux informateurs différents pour confirmer l'information, pour être sûr. Après, il y a des sources plus ou moins fiables. Oui, d'accord. Mais enfin, si je résume cette situation, c'est que, admettons, le monde court à une vitesse grand V et vous courez à une vitesse puissance X grand V, en gros. Là, je crois qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale et on vous retrouve sitôt après. Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. J'ai pas trop d'amis, regardez en classe, pas d'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis sale. Et personne à qui le dire, c'est pas le pire quand la pause arrive. Je ne suis pas tranquille, il faut que je m'éclipse. Ou alors, accuser les coups dehors. Il faudra que je cours. Sortir, je dois tenir et construire mon futur. Partir à la conquête, une fille moins dure. Sûr que c'est pas gagné, mais j'assure mes arrières. Pour connaître l'amour et le monde, il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Dans ce monde parmi faux, je voudrais m'arrêter. Je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Je voudrais m'arrêter. Je peux plus respirer dans ce monde parmi faux. Mais je voudrais m'arrêter. Je peux plus respirer dans ce monde parmi faux. Il faudra que je coule. Pour ne pas qu'on m'efface. Faites-moi de la place. Juste un peu de place. Pour ne pas qu'on m'efface. Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous vous retrouvons à l'antenne avec Thierry, qui est à l'antenne aussi. Thierry, vous êtes là ? Oui, je suis là, je suis voilà. là. Voilà. Alors nous, on a une question. Alors souvent, vous savez, j'ai des questions dans Ralentir pour vivre, quand on parle de l'épuisement, des questions qui sont quelquefois un petit peu stupides, mais j'aime bien ma stupidité. Quel est votre droit à la déconnexion ? Parce que, ben voilà, quand j'entends, est-ce que vous êtes dans un milieu avec précaire ? Est-ce que c'est des dépiges ? Enfin bref, quel est l'environnement ? La maladie est-elle autorisée ? Enfin, quel est l'environnement dans lequel vous évoluez ? Alors, on va commencer peut-être par la déconnexion. Quel est votre droit ? Alors, justement, le droit à la déconnexion, il y a eu des négociations. J'ai longtemps été syndicaliste. Je suis maintenant un simple adhérent et je me tiens très au courant de ce qui se passe. Mais le droit à la déconnexion a été négocié avec les syndicats. C'est très compliqué. Ça a évolué, notamment avec depuis le Covid d'ailleurs, où les gens ont été un petit peu hyper connectés, et puis avec l'évolution des groupes, pour pas le citer, WhatsApp, parce que là, on a plusieurs groupes, on a des messageries instantanées au sein de notre entreprise, mais pour aller encore plus vite, on a pris d'autres d'ailleurs, voilà. Et là-dessus, c'est un peu compliqué parce que, comme je vous disais, l'actualité ne s'arrête pas. L'actualité, elle peut très bien tomber à 22h. Oui, donc droit à la déconnexion, c'est un doux rêve. Voilà, et donc le droit à la déconnexion, alors ce qu'il y a, c'est que c'est presque assez malsain, parce que le journaliste qui dit « je veux me déconnecter », il se déconnecte, nous on a des équipes de 8 ou 9 journalistes, et ben il y a toujours un qui reste connecté quelque part, donc en fait c'est celui qui est connecté qui va aller sur place, voilà. Quoi. Oui. On n'a pas d'astreinte, il faudrait en fait qu'on ait des astreintes, où on dise chaque soir il y a un journaliste qui ne va pas au cinéma, parce que pour être connecté, il faut pas regarder un film, ne va pas manger au restaurant en arrosant ça, parce qu'il faut pas non plus prendre la voiture en ayant bu de verre. Ouais. Donc en fait, mais ça y a pas. Donc en fait, c'est du non-dit. Vous pouvez être déconnecté, mais ça serait bien que vous regardiez un petit peu pour pouvoir aller sur un fait divers. Et puis après, il y a aussi le côté, c'est que si on n'y va pas, si on va pas sur le fait divers à 20h, et ben dans tous les cas, il faudra se lever le matin à 6h pour aller sur le même fait divers, mais ça sera après coup et on aura moins d'interlocuteurs. Et voilà, donc c'est un peu piégeux. Oui. Il y a aussi l'autre chose aussi, c'est que on fait appel à des journalistes CDD. Oui. Et des journalistes pigistes. Alors à Radio France, on commence par faire des piges pendant un ou deux ans, et après on devient CDD, donc on a un statut qui est un peu meilleur, on est mieux payé déjà, et que ça peut durer plusieurs années. Et en fait, c'est des gens qui veulent rentrer dans l'entreprise en CDI, et pour ça, en fait, ils sont prêts à tout. Et alors eux, ils sont joignables tout le temps, bizarrement. Oui, voilà. C'est des gens qui répondent tout le temps et qui vont faire les reportages du soir quand il y en a un, je veux bien faire. C'est bien ce qu'on explique au sein de l'association, que le facteur concurrence exacerbée est vraiment un facteur d'épuisement violent, parce que tout le monde est là pour passer devant son voisin, quoi, en gros. Exactement, voilà. Et comme les journalistes radio, en fait, il y a pas de temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier-là. Il y a pas beaucoup de place en CDI. Donc en fait, les gens sont. C'est aussi l'attrait de c'est un reporter. Voilà, je veux faire ce métier. Donc je suis prêt à tout. Je suis prêt à sacrifier des années, parce que nous on leur propose comme c'est un réseau dans lequel je travaille, on leur propose un peu un tour de France en disant en allant travailler dans plusieurs radios locales, ça permet de se former. Voilà. C'est des gens qui font 15 jours quelque part. Oui, mais alors, je résume, sans vie privée. Avec une vie privée compliquée, effectivement, avec une date de fin qui est pas connue, parce qu'ils savent pas quand ils vont être embauchés, s'ils sont embauchés, parce qu'on n'embauche pas tout le monde non plus. Donc de fait, un peu une concurrence, donc prêt à tout accepter pour pouvoir avoir le CDI. Et puis si on tombe malade dans tout ça? eh ben on tombe malade. C'est comme c'est des gens qui viennent remplacer les gens qui sont malades ou bien les femmes qui sont en congé maternité, ben on peut pas tomber malade. Donc c'est compliqué. Donc il y a des gens, moi j'ai déjà vu des jeunes journalistes qui venaient, qui avaient plus de voix et qui avaient de la fièvre, à qui on a dit mais rentre chez toi. Et j'en ai vu d'autres qui travaillaient quand même parce qu'en se disant ben voilà, je peux pas faire un trou sinon ça va être compliqué parce qu'on est des petites équipes, voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que moi dans le réseau dans lequel je travaille, il y a eu des restrictions budgétaires et qui fait que quand on pour faire de l'économie, on fait des économies sur le remplacement, donc ça met une pression sur tout le monde, voilà, et on est moins à travailler, donc nos journées se rallongent, voilà. Pour faire la même chose en étant un de moins, on se répartit la recherche de travail, et nos journées qui sont déjà parfois rallonge oui. et qui sont un peu speed deviennent compliquées. Et qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, que ça fait 30 ans, vous nous avez expliqué que vous êtes dans ce métier, quelle est la différence, enfin, sur quoi ça a évolué ou en tout cas glissé, parce qu'on peut peut-être pas parler d'évolution, mais en tout cas de glissage, vers quelle est la différence entre ce que vous avez connu et ce que vous connaissez maintenant? Il y a 30 ans, je pense que il y avait déjà cette pression de l'actualité qui a toujours lieu et qui fait un peu partie du métier. Oui, oui. Mais en fait, ce qui a changé, c'est le côté effectivement instantanéité. C'est-à-dire que avant, on avait des grosses journées avec des grosses actualités, et là, on était tous sur le pont à faire des heures en plus, et on était même content de suivre une actualité. Et voilà. Mais après, il y avait des jours où il y avait plus de récupération, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait commencé à 8h30, qui terminait à 21h ou 22h, on lui disait demain matin, tu peux venir plus tard. Maintenant, c'est moins le cas. Il y avait des jours où on faisait un peu moins. Voilà, on avait nous tous les ans, on a des grilles de programmes, grilles d'informations. Donc on choisit précisément combien il y a de reportages par journal, la longueur des journaux aussi également. Voilà, donc on choisit. Soit on peut faire quelque chose où on fait beaucoup, soit on fait moyennement, soit on fait un peu moins. D'ailleurs, souvent l'été, par exemple, on a une grille qui est un petit peu allégée parce qu'il y a plus de gens en vacances. Voilà, moi, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Et aujourd'hui, on a moins le temps, entre guillemets, de pas de se reposer, hein, mais d'avoir un rythme un peu moins effréné. Donc, ça fatigue les gens, ça épuise les gens, ils s'en rendent compte, mais bon, ils disent, on n'a pas le choix, c'est comme ça maintenant. Et maintenant, il y a aussi, moi, ce que je vois aussi, c'est que il y a des gens qui changent de métier, il y a des gens qui font des années, qui prennent plusieurs mois sabbatiques pour dire je fais autre chose, je fais une pause parce que voilà, j'ai envie de souffler. Il y a des gens qui demandent des temps partiels volontaires, mais pour dire je veux travailler un petit peu moins parce que quand je travaille, je fais des journées tellement grosses que il faut que je récupère. Donc ça change un petit peu. Voilà. Et ce qu'on perçoit aussi, c'est qu'il y a même parmi les jeunes qui ont un autre rapport, on pourra en reparler plus tard, mais qui a un autre rapport au travail, il y a aussi des gens qui disent c'est la profession que je voulais faire, j'ai fait des études pour ça, qui sont des longues études, avec des concours d'entrée, tout ça, mais en fait je veux faire autre chose parce que dans pratiquement tous les métiers, les jeunes, d'ailleurs on a reçu beaucoup dans cette émission d'interviewer des jeunes qui avaient fait des masters en économie, en droit, en ci, en ça, et qui en finale prenaient des années sabbatiques pour aller dans une ferme en woofing par exemple. Hein. Donc on a des cas comme ça qui sont de plus en plus courants chez les jeunes. Donc je pense que dans votre métier aussi, c'est la même chose. Exactement, c'est le cas. Quoi. C'est un autre rapport au travail. Oui. On le voit vraiment. Oui. Oui, les gens ont besoin de pause, de break, parce qu'il est impossible de penser et de réfléchir dans le brouhaha quotidien, en gros. Et pour rebondir sur le côté brouhaha, peut-être ce qui a changé, c'était votre question de départ, ce qui a changé par rapport à plusieurs décennies auparavant, c'est le côté open space, pour parler les bureaux ouverts, où c'était une mode en fait de dire tous les bureaux sont ouverts. Et dans une radio locale, il y a des journalistes, il y a des animateurs, il y a des techniciens, et ma société a dit, ben, en fait, les journalistes et les animateurs doivent un peu travailler ensemble. Ouais, ils doivent plus se parler. Donc, on va tous les mettre dans une grande salle. Oui, d'accord. Ce qui fait que, en plus, avec des horaires pas, quoi, des horaires différents, parce que un animateur qui sort de l'antenne a envie de se défouler un peu, ce qui est tout à fait compréhensible. Oui. Et c'est peut-être le moment où le journaliste va appeler le député, le préfet, le chef d'entreprise, et qui va en droit derrière. Oui. Voilà. Ça, donc, c'est pas compatible du tout. Et après, il y a aussi le niveau sonore qui augmente. Et en plus, comme nous, on travaille avec de la... La moitié du travail, c'est de monter des interviews, des sons. Donc, on a tous le casque sur les oreilles. Et même, moi, ce que j'ai remarqué sur ces dernières années, c'est que les gens continuent à garder le casque sur les oreilles, même s'ils sont pas en train de monter, juste pour être un peu à l'abri. Tranquille, oui. Du bruit et être tranquille, voilà, plutôt que d'avoir du bruit de... Oui. Plus de 10 personnes autour qui parlent et qui dérangent. Et ça, c'est vraiment... quelque chose qui rajoute au côté fatigant de ce travail qui a, oui, avec des amplitudes horaires qui sont importantes. Je pense que je l'ai assez dit et que on le comprend aussi. Voilà, c'est ce qui a aussi, changé aussi un petit peu. Voilà, on va faire une petite pause musicale et puis ensuite on va attaquer un dernier sujet qui me paraît important. Vu que vous êtes quand même un ancien syndicaliste, il y a quand même pas mal de choses qu'on aimerait entendre de votre bouche. Voilà, je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Comme on se bat, maman, comme on se bat pourtant. On n'avait pas prévu ça, d'avoir des doigts messenger, des pouces ordinateurs sur les machines. Oh, chères auditrices et auditeurs, nous revoici à l'antenne avec vous. Alors Thierry, donc vous étiez syndicaliste pendant, enfin vous êtes toujours membre syndiqué. Exactement, du Syndicat National des Journalistes, le SNJ. Voilà. Donc, le premier syndicat dans la profession. Voilà, donc la question intéressante, c'est de savoir, les syndicats, se sont-ils inquiétés des risques psychosociaux? Alors effectivement, sur le réseau de radio locale dans lequel je suis, il y avait eu plusieurs alertes de cas, alors à la fois de harcèlement, notamment des jeunes journalistes femmes, et puis des rapports qui étaient compliqués. Donc c'était les comités d'entreprise à l'époque, c'était pas encore les CSE. Les comités d'entreprise ont simplement estimé qu'il y avait un risque suffisant pour faire appel à un cabinet extérieur qui a fait une. Bon, déjà la direction a pas voulu essayer d'attaquer en justice, mais finalement a perdu. Mais donc il y a eu une grosse étude sur tout le réseau qui a été fait avec des questionnaires tout simplement envoyés à tous les salariés du réseau avec un taux de réponse très très important, parce que ça marque déjà que les gens étaient envie de répondre. Oui. Il y avait de l'intérêt. Et après le rapport, alors, je vais pas détailler le rapport parce que c'est interne à l'entreprise, mais il y a des choses qui sont ressorties de ce rapport. Il y avait à la fois un rapport chiffré sur les réponses données et après assez qualitatif. Avec des, il y avait un deuxième questionnaire qui a été fait sur plus de 80 personnes, pour voir un petit peu, déjà faire l'état des lieux, puis voir ce qui pourrait être changé. Mais le rapport était accablant dans le sens où il y avait des risques psychosociaux pratiquement partout, avec des différences entre les différents métiers chez les journalistes. Là, j'ai une question. Quand vous dites pratiquement partout, ça veut dire quoi si vous... Eh ben nous on a un réseau de plus de 40 radios locales, et ben dans plus de 30 radios locales il y avait des problèmes. Oui. Voilà, c'était il y avait de vert à noir, et il y avait pratiquement plus de la moitié qui était noire, rouge ou noir, sur ce réseau, avec du surtravail pour les journalistes. Alors, c'était différent entre techniciens, animateurs et journalistes, mais moi je vais parler de journalistes, le métier que je connais, et il y avait effectivement des gens qui étaient, il y avait des, on a révélé des rapports qui se dégradaient, des tensions au travail. Alors les chiffres des arrêts de travail ou du burn-out, de l'épuisement professionnel, là-dessus il n'y a pas de chiffres parce qu'en fait l'employeur n'en a pas. Nous du côté syndical on sait, on peut estimer, et il y a à la fois chez les journalistes mais aussi même davantage chez les cadres, donc les rédacteurs en chef ou adjoints aux rédacteurs en chef. Oui. Qui doivent gérer un petit peu aussi la pénurie, la pression, le manque de moyens, voilà. Donc suite à ce rapport, peut-être le côté positif, c'est que suite à ce rapport, il y a eu des évolutions. Parce qu'il date de quand ce rapport exactement? Il date d'il y a maintenant plus de 6 ans, donc il y a eu des recommandations de fait, donc quelques évolutions, voilà. Mais ça change pas la problématique du problème, et notamment moi ce que je trouve qui ne change pas, c'est la verticalité de on décide à Paris, il faut appliquer dans un seul problème des réseaux parfois, et puis après c'est aussi le problème de il y a des usages qui font que c'est compliqué, quoi. Dites des usages qui sont compliqués, vous entendez quoi? Je mets peut-être le doigt où il ne faut pas le mettre, peut-être. Oui. Je pense que même ça tient à la profession, c'est de dire c'est une profession, on n'a pas d'horaire, c'est une profession, on est un peu des cow-boys, on court tout de suite vers l'actualité sans compter. C'est que c'est des gens qui disent encore voilà, c'est un métier passion, on compte pas ses heures. C'est ce que je disais hors antenne. Il faut compter ses heures, il faut avoir des jours de repos, il faut pas enchaîner c'est ce qu'on 10 disait. Jours de suite de travail. C'est ce qu'on disait hors antenne, le monde court et vous courez après et vous perdez votre souffle derrière. Exactement, c'est un peu ça. Après moi je vois un petit peu les côtés positifs, qu'il faut toujours voir les côtés positifs. Ce rapport a permis de mettre le doigt et d'objectiver ce qui n'était pas du tout objectivé dans l'entreprise et dans la profession, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On le disait dans au milieu de cette émission, c'est qu'aussi les jeunes ont un rapport au travail qui a vraiment changé. Moi j'ai vu des jeunes capables de entre guillemets de se sacrifier, de faire le tour de France, de pas avoir de soirée parce qu'ils passaient leur soirée à travailler. Et puis finalement, ils se sont dit, moi, ça va pas pour moi, je change de métier. Oui. Ils sont allés dans la formation, ils ont changé complètement. Ça arrivait pas avant. Le pire que j'ai entendu dernièrement, c'est des médecins qui font 12 ans d'études et qui, après 12 ans, ne veulent pas exercer et changent de métier. Exactement. Et ça, ouais. Quand on voit ça, les jeunes, on se dit... C'est un peu moins long pour le journaliste, mais ça se compte. Alors, c'est plus de 5 ans pour accéder à un CDI. Et il y a aussi une chose, dans la profession de journaliste, ça concerne tous les journalistes, c'est aussi la féminisation de la profession. Oui. Et par rapport, justement, au temps de travail, parce qu'on l'a bien compris, c'est que le temps de travail est souvent dépassé, et voilà. Oui. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les femmes disent plus facilement à leur employeur ou à leur chef direct en disant là ça fait trop pour moi, je suis obligé de m'arrêter. Oui, voilà, oui. Chez moi, voilà quoi. Oui, parce que de toute façon, si elles ont des enfants, elles sont quand même bien obligées de tempérer. Il n'y a pas à dire. Voilà, exactement. Oui, exactement. Voilà. Et après, il y a aussi une féminisation aussi, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou il y a 30 ans quand je suis rentré dans la profession, c'est qu'avant, il n'y avait que des rédacteurs en chef hommes. Et maintenant, il y a une féminisation, mais ça date, c'est assez récent. Et ça permet de changer un petit peu, d'aller peut-être dans le bon sens. C'est peut-être le côté, la note positive à l'évolution de la profession. Le côté yin féminin. Voilà, peut-être. Ouais. Oui, voilà. Oui, parce que si je comprends bien, c'est quand même un métier qui n'a pas évolué autrement que la société, en quelque sorte. Donc, vous êtes en quelque sorte pris dedans. C'est ça. Exactement. Et quand... Avec les nouvelles technologies qui. C'est ça. Le web, l'instantané, qui fait que ça accélère le métier et que les gens. C'est ça. Alors, aussi, l'autre chose, c'est que maintenant aussi, les gens arrivent à déconnecter un peu plus. Parce que moi, j'avais lu à des moments où j'ai vu des gens qui soit à 23h, soit à 5h du matin, s'envoyaient des messages pour réagir par rapport à l'actualité. J'ai l'impression que ça change un tout petit peu et que les gens arrivent un petit peu à déconnecter. Mais est-ce que les syndicats, pour ça, ne pourraient pas... par exemple, vous aviez donné une idée qui me paraissait intéressante, c'est-à-dire que vous ayez un tour de garde, en quelque sorte, qu'il y ait une certaine organisation. C'est inscrit dans la loi, dans le Code du travail. Effectivement, l'astreinte, ce qu'il y a, c'est que l'astreinte, payer quelqu'un qui est d'astreinte et qui doit répondre au téléphone et qui ne doit pas le couper et qui doit répondre... souvent, c'est la nuit, hein, souvent, c'est entre 19h, on l'a bien compris, et 6h du matin. Ça existe. Alors, ça existe. Les syndicats ont réussi à imposer pour les rédactions nationales pour mon réseau, mais dans le réseau local, ça peut être fait, ça sera peut-être le cas demain. Mais pour l'instant, on risque d'aller vers ça. Parce que l'autre chose aussi, c'est que maintenant, avant, les gens avaient un téléphone portable qui ne coupait pas. Et maintenant, les gens arrivent à dire, j'ai fini ma journée, et je peux couper. Petit peu d'organisation. Sauf un tremblement de terre où on est travaillé. Un petit peu d'organisation donnerait un petit peu d'air à cette profession. Parce que si je comprends bien, vu qu'on va de plus en plus vite, alors je ne sais pas où on va ni jusqu'où on court, mais on y va, ça c'est certain, de bon cœur, on va de plus en plus vite, à un moment donné, ça va s'emballer, c'est pas possible. Il y a des gens qui vont... Je ne sais pas si dans ce métier-là, est-ce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à retourner la violence contre eux-mêmes, puisqu'on parle souvent de l'épuisement des agriculteurs qui mettent fin à leur jour, de l'éducation et de la santé aussi. Je pense que dans ce métier-là, peut-être qu'il y a une manière d'arrêter avant et qu'on ne va peut-être pas aussi loin dans l'épuisement. Moi, dans les témoignages que j'ai, puis les remontées que j'ai, c'est qu'on va pas aussi loin, c'est que les gens arrivent. Mais en revanche, le nombre de gens qui ont arrêté, qui ont aidé des arrêts longs, moi j'en ai connu plusieurs là, qui ont forcé à faire des matinales, soit qui n'en pouvaient plus, qui sont arrêtés. J'en ai connu beaucoup, il y en a beaucoup. Après, c'est peut-être moins le syndrome entre guillemets France Télécom ou bien les agriculteurs. Il n'y a pas le côté dette, il n'y a pas le côté on peut s'arrêter. Mais en revanche, des gens qui s'arrêtent et qui disent ou qui changent de profession, ça j'en connais beaucoup, et ça fait partie effectivement d'une manière de se protéger en disant je change complètement. Alors c'est des gens qui vont faire de la formation, c'est des gens qui vont dans l'édition par exemple, ou qui changent, mais effectivement c'est un métier qu'on quitte peut-être plus que les autres, et à mon avis, sûrement à cause de ça, le fait de dire, voilà, comme j'arrive pas, la machine va trop vite, j'arrive pas à arrêter. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas beaucoup de journalistes à mi-temps, c'est même pas forcément très bien vu. Voilà, c'est, quand on est journaliste, c'est du plein temps. Voilà, quoi, c'est, Oui, parce que en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire parce que en introduction, avant de vous recevoir en interview, je disais que faut prendre en considération que l'épuisement est une maladie de société. Hein, d'accord ? C'est pas rattaché à un individu, c'est rattaché à un fonctionnement de société, et que tous les métiers sont touchés directement, indirectement, et comme on vient d'en parler, plus ou moins profondément, plus ou moins dramatique, plus ou moins, mais que tout le monde est plus ou moins touché. Et dans ce métier-là, qu'est-ce que vous diriez en conclusion par rapport à ce, je dirais, cette course après le temps qu'on est en train de vivre et qui... Bon, parce que l'instantanéité, c'est de pire en pire. Oui. Moi, je pense que l'instantané est là. Après, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la manière d'y répondre, c'est l'organisation pour y répondre. Et là-dessus, moi, je note, je mets toujours confiance en la jeunesse. Un, les jeunes ont un autre rapport au travail et effectivement ne cessent plus faire, mais je pense que ça va aussi continuer à, quoi, je pense qu'il peut y avoir une organisation qui est différente, je le vois d'ailleurs, c'est qu'il y a, nous on voit que depuis quelques années, il y a un peu moins de jeunes qui veulent rentrer dans les radios locales, dans le réseau de radios locales où je suis, en disant, ben voilà, c'est un peu trop toxique, et je l'ai entendu de mes... ce qu'on m'a dit, voilà. C'est des jeunes qui choisissent. Donc, s'il y a moins de monde qui vient, et ben là, la direction va se dire, ben, il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'on change un peu l'organisation. Peut-être qu'on en fasse un peu moins, peut-être qu'il y ait davantage de journalistes pour répartir la tâche. Un exemple tout bête, avant pour suivre le Tour de France, c'est des gens qui suivaient le Tour de France en faisant des 10 jours d'affilée, et maintenant on respecte le code du travail, et on se dit, ben, il faut un journaliste sportif de plus pour qu'il remplace celui qui va se reposer, parce qu'on a le droit à 2 jours de repos par semaine. Et voilà, quoi, c'est, Après, si quelqu'un qui part 2 semaines en reportage sur un territoire de guerre, ben, il va se reposer après. L'organisation peut changer, et je pense que collectivement, à la fois les jeunes, à la fois les syndicats, qui ont aussi un peu leur mot à dire, même si la plupart des médias, l'économie des médias n'est pas une économie florissante. Hein, voilà, donc c'est aussi un domaine. On doit aussi gérer un petit peu la pénurie. La pénurie à quel niveau ? Au niveau simplement équilibre économique, moi je le vois, alors je le vois dans différents médias, c'est que la plupart des médias ont du mal à vivre. Il y a la révolution d'Internet où les gens veulent bien être informés, mais ils veulent pas payer sur Internet. On voit pour les journaux, la presse écrite, les journaux papier se lisent moins, donc c'est une économie qui est compliquée. Donc on est plus dans les réductions de budget que dans, on va embaucher des gens. Moi, c'est une profession il y a 30 ans où on embauchait presque tous les ans des journalistes supplémentaires. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Depuis 20 ans, c'est qu'on réduit les effectifs. Donc quand on réduit les effectifs, en fait, souvent les équipes veulent garder la même production, et c'est là que ça coince. Et c'est là que la pression augmente. Voilà, mais je pense qu'on reviendra peut-être en arrière. Voilà, quand les gens s'en vont, qu'on n'arrive pas à recruter, ben on se dit on va peut-être changer l'organisation pour que ça soit moins stressant, pour qu'il y ait plus de monde pour faire le même travail, en fait. Voilà, c'est certain que pourra se passer, mais les évolutions sont assez lentes. Oui, c'est certain qu'un petit peu d'organisation ne ferait pas de mal. Voilà. C'est ça. Mais après, sur la réalité, par exemple, de l'instantané, et là-dessus, l'information va plus vite, ça arrive directement dans votre téléphone portable quelques minutes après un événement, et ça, on ne pourra pas changer. Donc, il faut être plus nombreux pour pouvoir gérer au mieux, sans quoi gérer rapidement quelqu'un qui gère l'instantané et une autre personne qui gère l'information un peu plus. En profondeur. Et là, j'allais vous faire une blague, Thierry, qui n'est pas une blague, qui n'est peut-être pas drôle, mais enfin, sur mon téléphone, il n'y a pas ce genre d'alerte. Voilà. Alors après, les notifications, c'est aussi un autre problème aussi. C'est ça. C'est la permanence. Ce qu'on s'aperçoit aussi, alors là, moi, je donne le côté média, hein, c'est qu'avant, tout le monde avait des notifications avec toutes les infos, et maintenant, c'est quelque chose qui a tendance à les gens se désabonnent des notifications parce que c'est insupportable d'avoir. Il vaut mieux choisir quand on va chercher l'information plutôt que d'avoir l'information qui vient en temps réel et qui nous agresse. Ça, c'est une réalité aussi. Oui, moi, je fais partie des gens qui n'ont aucune notification et qui, à 8 heures du soir, sont en mode avion. Puis je ne parle pas silence, non, en mode avion, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentre comme truc, jusqu'à 8 heures du matin. Mais on le voit aussi parce que même la tendance des gens était à être informés tout le temps. Et maintenant, par exemple, le week-end, les gens déconnectent beaucoup plus qu'avant et consomment moins l'information le week-end. Et on le voit sur nos sites web. Oui, parce que... La consommation en temps réel. Et en fait, les gens consomment moins le week-end. Oui, parce que... Déconnectent davantage. Donc peut-être que aussi, le côté accélération en temps réel qu'on a eu à un moment donné, peut-être que les gens vont être un peu moins connectés. Parce que les informations rapides comme ça... instantané, c'est sympathique, mais quelque part, le journalisme a aussi sa place dans les débats de société, dans des choses un peu plus profondes, un peu plus intéressantes aussi. Bien sûr, effectivement. Je pense qu'il faut, avoir les deux. Il faut être... L'instantané, maintenant, on ne peut pas y couper parce que les gens ne comprendraient pas. Ça pourrait même être complotiste en disant on nous cache des choses. J'ai entendu l'explosion, on n'en parle pas, donc il faut en parler. Mais après, je pense que les gens, et c'est aussi peut-être aussi l'avenir du journalisme, c'est que le podcast, par exemple, où on a le temps de parler, où on prend le temps d'expliquer, de ne pas parler que d'un côté d'une chose, mais donner toute la complexité de quelque chose, ça se développe. Et je pense que c'est aussi intéressant pour ça. Voilà. Après, il faut une bonne santé financière des médias. Il faut des médias aussi. Là, j'élargis un peu plus. Hein. Mais il faut des médias qui ne soient pas tous détenus par des milliardaires et qui ne soient pas trop... Bah, on ne va peut-être pas rentrer dans le sujet, Thierry. Hein, on change de sujet. Mais voilà. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on rentre dans un sujet qui pique. Oui, voilà, exactement. On ne va pas se mentir. Hein. C'est un sujet qui pique. Alors... dans tous les non-dits qui viennent d'être dits, on a compris. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon. Après la démocratie et les médias en France, on a une démocratie où les médias restent quand même indépendants, où chacun peut aller chercher l'information. Tout à fait. Et trouver l'information et une information fiable. Et dans ce sens-là, moi, j'ai l'impression que les journalistes en France font leur boulot et informent les gens. Il y a de plus en plus de médias en plus, oui, tout à fait. Ben, Thierry, on vous remercie beaucoup pour cette interview et pour nous avoir présenté un métier où on n'aurait peut-être pas imaginé que vous aviez autant de pression. Et c'était très intéressant de pouvoir découvrir un quotidien d'un journaliste audio. Voilà, c'était ça. Ben, merci à vous, c'était un plaisir de passer à la radio. Merci beaucoup. Oui, voilà. Bonne continuation. Merci beaucoup Thierry et à tout bientôt. Bonne fin de journée. Merci chères auditrices et auditeurs. Je vous souhaite donc à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt mardi dans 15 jours. Au revoir Lia. Au revoir Catherine.